When they do the mambo in Paris, ça c'est quelque chose. When they do the mambo très joli, c'est la vie en rose. Oui! How they love to mambo in Paris, ça c'est magnifique. When they do the mambo in Paris, ça c'est très très chic. Madame Dupont, mambos, Monsieur Dupont, mambos, Mademoiselle Dupont, mambos, they love to boom. The Maréchal, mambos, la femme fatale, mambos, la rue Pigalle, mambos, they love to boom. Oui! When they do the mambo in Paris, chacun a son goût. Now they never need psychiatry, tout le monde est fou. Oui! Everybody mambos in Paris, même le vieux mari. He goes out alone and so does she, vive la liberté. La tête du veau, mambos, la saucisson, mambos, même l'escargot, mambos, it's just that ooh. Just like a Yank, mambos, sometimes a Frank, mambos, le George Sank, mambos, it's just that ooh. Mambo in Paris, ça c'est très très chic. La tête de veau, mambos, la saucisson, mambos, même l'escargot, mambos, it's just that Just like a Yank, mambos, sometimes a Frank, mambos, le George Sank, mambos, it's just that.